Angel Di Maria et Javier Pastore, deux stars du PSG dans la tourmente de l'argent caché du foot business. Angel Di Maria est soupçonné d'avoir dissimulé au fisc français au moins 150 000 euros. De l'argent versé par l'un de ses sponsors, une marque de boissons énergisantes. L'argent aurait d'abord été transféré sur un compte en Grande-Bretagne, avant d'être transféré, en partie, sur le compte d'une société détenue par le joueur au Panama, un paradis fiscal. Même principe pour Javier Pastore. Son sponsor Nike lui aurait versé l'argent de ses contrats dans une société basée aux Pays-Bas. Près de 2 millions d'euros auraient ensuite été transférés en Uruguay, surnommée la Suisse sud-américaine. Une équipe de compléments d'enquête et de Mediapart s'est rendue à Amsterdam, au domicile de la société qui aurait signé le contrat entre Nike et Javier Pastore. Hello. Oh, hello. En fait, c'est une compagnie fantôme où il n'y a rien ni personne. Personne ne travaille ici. Ils viennent juste prendre le courrier pendant la nuit et ils s'en vont. Un certain Franz de Boeuf, l'homme qui aurait signé aux Pays-Bas le contrat, refuse de leur en dire plus. Une porte qui se ferme comme réponse définitive. Point commun entre les deux joueurs, Jorge Mendes, leur agent. Il s'occupe aussi de Cristiano Ronaldo. Le joueur du Real Madrid est soupçonné d'avoir dissimulé 150 millions d'euros selon les mêmes procédés.